Je tiens à rappeler que les pensions, leur objectif premier, c'est de maintenir un niveau de vie décent pour les pensionnés par rapport à leur niveau de vie en tant que travailleurs. C'est l'objectif premier. Et donc ça veut dire que nos revendications en matière de pension, elles sont simples. Un, priorité, c'est aux pensions légales. Il est inutile de vouloir assurer un taux de remplacement tenant compte d'un deuxième pilier que tous les travailleurs n'obtiennent pas, ni de l'épargne individuelle des travailleurs. Il faut d'abord renforcer et prioriser sur les pensions légales. Quand on dit renforcer les pensions, c'est relever les pensions minimum et obtenir des méthodes de calcul qui permettent de tenir un niveau de vie décent pour les pensionnés et également de pouvoir donner des solutions aux travailleurs sur le marché de l'emploi lié à la gestion des carrières et de pouvoir donner des perspectives d'emploi pour les jeunes. Ce gouvernement maintenant ne cesse d'allonger les carrières, mais il ne donne à d'aucune manière des réponses sur la manière dont il désire accompagner ses travailleurs dans les secteurs, dans les entreprises pour gérer leur carrière et gérer leur fin de carrière. Même, il ne donne aucune perspective d'emploi pour les jeunes qui sont très souvent dans des statuts précaires. Il faut également, donc, au-delà de la soutenabilité sociale du système, veiller à la soutenabilité financière, non seulement de nos pensions, mais également de notre sécurité sociale. C'est pour ça qu'il faut revenir aux valeurs fondamentales de notre sécurité sociale et de nos pensions.